Fait que ce qui arrive, éventuellement, vous vous rentrez dans la conscience psychologique. Vous n'avez plus de problème psychologique, mais vous avez la vibration de la psychologie. Vous avez la vibration. Vous tombez dans la vibration. Il n'y a plus de forme, là. C'est pour ça que vous avez plus de problème psychologique, parce que vous voyez clair dans les formes psychologiques. Fait que là, vous êtes même dans la vibration. Ça y est, la vibration. La nuit, de temps en temps, la vibration est haute, puis là, ça marche. T'es bien, t'es dégagé. T'es quoi, revient? Wow. T'es en gros engagé dans la vibration. Tu dégages la vibration, tu réengages dans la vibration, tu dégages la vibration. Puis ça, ça dure jusqu'à temps que vous passez la conscience. Puis cette vibration-là, qui vous engage, qui vous dégage vibratoirement, non pas psychologiquement, mais vibratoirement, c'est ça qui vous empêche de passer directement de l'autre part. Cette vibration-là, montrant, vous pensez vivre directement de l'autre bord en esprit. Alors, c'est ça qui vous tient en matière. Alors, si vous êtes trop dans cette vibration-là, mais là, à ce moment-là, vous êtes obligé de la descendre. Oui, c'est pour ça que je mange de la viande. Si je serais trop dans cette vibration-là, je ne pourrais pas travailler, je ne serais pas intéressé. Fait que pour me descendre la vibration, je m'astralise. Parce que je suis trop mental, je m'astralise. Je mange de la viande. Je bois du coke. Je bois du vin. Ben ça me tient juste en équilibre pour fonctionner. Mais il y a toujours cette... Il y a rendu quand vous êtes dans cette vibration-là, mais là vous êtes bien calme. Vous êtes bien calme, cette vibration-là. La vie est supportable. Si vous n'avez pas de problème financier, là, vous avez un autre. Si vous avez les quatre éléments essentiels de la vie, la vie est supportable. Après, là. Mais elle est toujours là, petite craque. Tu peux pas sortir de la conscience quand tu es dans la conscience. Ça veut dire que tu peux pas sortir de la vibration de l'âme. C'est la vibration de l'âme, ça, cette patente-là. Ça, c'est l'âme. Sans ça, vous ne vous changerez plus. Ça marche, ça? C'est pour ça que je disais, tu peux pas être conscient avec deux. Quand je dis tu peux pas être conscient avec deux, tu fais être belle dans ta peau. Elle est belle dans sa peau. Elle n'est pas heureuse. Elle est belle dans ta peau. Tu n'as pas heureuse. Tu peux pas être heureux. On ne pourra jamais être heureux quand on est assez. Vous ne serez jamais heureux sur le plan matériel. Vous êtes. Vous serez pas malheureux. Vous serez bien dans votre peau. Mais vous serez. Vous ne pouvez pas être heureux parce que être heureux quand tu es conscient, c'est être dans un autre univers. C'est en harmonie avec le reste, avec l'univers à lequel tu es. Puis quand tu es conscient, c'est ta planète, c'est pas en harmonie avec le reste. C'est ça une caractéristique du plan physique ou c'est une caractéristique de l'époque actuelle sur le plan physique? Quoi? C'est-à-dire que là, sur le plan physique, c'est pas possible d'être heureux sur la planète Terre, mais plus tard, est-ce que ça va être possible d'être heureux sur la planète Terre? Oui, parce que les conditions, les tailles de la Terre vont être changées. Les tailles de la planète vont être changées. Mais tant que les tailles de la planète n'est pas changées, tu peux pas. Fait que ça, je vous dis, il va venir un point dans vos vies, dans 10 ans, 15 ans, 8 ans, je sais pas. Il va venir un point dans vos vies où vous allez être obligé de vous isoler. Parce que c'est hey, où tu t'isoles que là, tu peux être réellement bien dans ta peau parce que t'as pas de... tu délis pas avec personne. T'es tout seul chez vous, tu te lèves le matin, tu manges, tu fais des affaires, papa. Tu couches le soir, tu te lèves le matin, tu fais des affaires, papa. T'es créatif, ta vie est toujours pleine 24 heures par jour, ça marche un petit terrain. Tu peux pas aller à Montréal, tu peux pas aller à New York. Il y a toujours l'inconscient. Fait que tu restes. Fait que tu t'arranges pour te faire un petit espace matériel, là. Là, t'es bien, là. Mais aussitôt que tu sors de là, tu tombes dans l'inconscient. Parce que tu le sers des vibrations au champ. Bon, on commence à l'expérimenter déjà. Ouais. Les parties de famille, tu sais, qu'on va le voir. C'est un exemple. C'est ça que je dis. Tu peux pas être conscient d'être heureux. C'est une question d'être humain, en fait. C'est parce que c'est pas réciproque. Si c'était tout le temps réciproque, là, ça marcherait, mais si tu rencontres quelqu'un, là, puis là, la vibration est plus réciproque, c'est non, là que ça casse. Ça doit une tension. Tu t'en vas au coin de la rue, puis il y a un gars qui te rentre qui te klaxonne dans les oreilles, ou qui sac après toi. Toi, tu veux t'aller dans le vent, il veut que tu ailles. Tu sais, t'as trop des tensions. La police. Tu as tout ça à faire. On a l'impression qu'on vit pas justement dans ce problème. Bon, c'est ça. Puis plus ça va, ben plus ça va, plus tu veux rien savoir de la planète telle qu'elle est. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu ramasses ton terrain, tu Saint-Hilaire. C'était juste une petite maison quelque part. Mais tu sais qu'on est heureux, par exemple, on n'en a plus à la vie ou aux gens de nous donner. On n'attend plus. Bon, on n'en a plus de nous donner ce qu'ils ne peuvent pas nous donner. On n'en a pas à un plan de donner ce qu'ils ne peuvent pas nous donner. Ça, c'est quelque chose qu'on s'arrête sur. On va chercher ce qu'on a besoin. C'est ça. Le milieu familial, c'est le milieu astral par excellence. Le milieu familial, c'est le milieu astral par excellence, mais ça peut être le milieu mental par excellence aussi. Si ta famille, si toi et ta femme, je ne peux pas parler des enfants, mais ces enfants sont dans son inconscient. Mais si toi et ta femme, vous êtes conscient, c'est le milieu mental par excellence, moi, dans ma famille, c'est là que je vis mon état mental le plus. Moi et ma femme... La famille que tu penses de toi, mais tes parents... Ah non, moi, j'ai mis ça à part, mon Mes parents, à moi, sont au milieu astral par excellence. Ah, bien. Tu vas pourquoi te le dis ça? Ça va faire. C'est eux qui vont mettre la porte. Oui, ma mère, elle met la porte aujourd'hui, c'est pas fait. Pour moi, c'est pour moi qui est responsable, c'est plus elle a pris sa propre décision. Hein? Faut que tu fasses ça, elle explose. Ah, ben, jusqu'à la condition qu'elle explose. Tu mets la bombe, elle met la flèche. Elle met la flèche. Moi, j'ai mis la bombe et elle met le feu. Elle a peut-être la bombe. Vraiment. Moi, il y a une chose que j'aimerais que on sait qu'on est en voie d'évolution. OK? Mais l'ego, lui, souvent, moi, je regarde, là, je sais que ça vient de l'ego. Okay? L'ego, lui, veut aller. Il veut évoluer. OK? À un moment donné, tu peux prendre conscience d'une forme ou d'un problème ou de quelque chose que tu as au niveau personnel. Puis tu te dis, je vais le travailler. L'ego dit, moi je vais aller vite, je vais travailler dessus, je vais essayer de la liquider cette forme. Est-ce qu'on peut, c'est-à-dire, en essayant de vouloir liquider une forme dans notre temps et non pas dans le temps, se reculer ou se créer des tensions ou plus de problèmes. Si tu essaies de faire quelque chose avec l'ego, tu vas créer une autre forme. Autrement dit, vouloir, c'est pas. Ah, tu peux, il n'y a pas de part. La conscience, c'est. Se conscientiser, c'est subir le travail de l'âme vibratoirement sur l'ego. Fait que, tu peux pas aller plus vite. Si tu cherches à aller vite, ça fait partie d'une forme. L'âme va t'amener à te mettre à terre. L'âme, elle peut prendre 10 ans. T'amener à la patience. Si tu vas aller trop vite, elle va te mettre les bois dans les roues, ça c'est automatique. C'est automatique. Faut pas qu'on veuille rien. Vouloir quelque chose, c'est égocentrique. Puis l'âme nous centre. On doit devenir centré. Une chose que je réalise, c'est le jeu. C'est-à-dire que tu, en voulant, disons, c'est pas juste parce que je parlais avec quelqu'un à un moment donné, en voulant aller vite, à un moment donné, c'est inévitable, tu vas avoir la polarité inverse. Évident. Si tu veux, ou si tu es dans telle vibration, telle chose que tu veux vivre, ou que tu es amené à telle circonstance, si c'est ça que tu veux, ça je l'ai réalisé souvent. Ils vont faire interférence. Le jeu des polarités. Ouais. C'est ça que je dis, tu sais, des fois les gens vont dire, moi, on dit que ça va bien aujourd'hui. Dans mes amarres. La minute que tu dis ça va-tu bien aujourd'hui, ça va bien, je suis correct, là. Dans mes amarres. Moi, j'ai une cousine, dans la famille. Elle m'appelait, puis elle a eu des problèmes au niveau de la paranoïa. Elle disait, ça va bien, Bernard. Où est-ce que tu dis ça va bien? Je disais, quand tu ne diras plus que ça va bien, là je saurai que ça va bien. Mais aussitôt que tu vas me dire que ça va bien, je vais savoir que ça va pas bien. De vrai. Je m'avais demandé quand est-ce que ça cesse. Ça cesse quand t'es plus dans la polarité. C'est quand l'ego est plus impliqué. Faut pas que l'ego soit impliqué. Faut que l'ego devienne un canal. Faut pas que ce soit impliqué. Faut qu'on devienne centré et non égocentré. Ça, je l'ai remarqué dans n'importe quel domaine, le jeu de la polarité. Là, je veux dire. Aussitôt que tu penses blanc, tu peux être sûr à un moment donné que tu vas voir noir. C'est pour nous amener ça, à nous désengager totalement de nous-mêmes. Il faut pour tuer en nous-mêmes les miroirs de la réflexion. Parce que tu peux pas être heureux. Je vais te dire une chose. Tu peux pas être heureux dans la vie s'il y a de la réflexion dans ton ego. Je regardais vos expériences là. Aussitôt qu'il y a de la réflexion dans l'ego, il y a une petite crotte de cœur. C'est ça que je dis, t'es bien quand ta tête vide comme une tête un bol de poisson. C'est là que t'es bien. C'est là que t'es heureux, comme vous dites, que t'es bien dans ta peau. Il n'y a rien qui se passe. Rien de. Aussitôt qu'il y a une petite réflexion dans l'ego, c'est le final. Tu viens de le perdre ton petit bien dans ta peau. En bas que. Ah. La centricité, Bernard, c'était un changement plus élevé. La centricité, c'est le résultat accumulatif du changement vibratoire du corps mental et du corps émotionnel. Si t'es centrique, t'es plus polarisé. Non. Automatiquement, t'as moins de souffrance. C'est ça. Un moyen d'éliminer. C'est ça. Plus t'es centrique, plus t'as de la volonté, plus t'es intelligent. Être centrique, c'est avoir plus ou moins de volonté et d'intelligence. Quand t'es bien centrique, ta volonté, ton intelligence est plus grande. Plus t'es centrique, plus t'as de volonté, plus t'as de l'intelligence. C'est ça être centrique. Moins de souffle. Moins de souffle parce que plus t'as de volonté de mettre l'âge dedans. Fait qu'éventuellement, il reste plus grand chose. Il reste plus grand chose autour de toi, là. Il reste plus grand chose. C'est ça, il y a des journées qui te dépolarisent. Comme tu disais, bien demain, tu vas encore pas l'arriver. Tu vas en arriver à pouvoir être heureux, pas 24 heures par jour, parce que 24 heures par jour, tu dors 12 heures ou 8 heures. L'enthousiasme. Il faut en arriver à être bien dans sa peau tout le temps qu'on est éveillé. Ça veut dire que le moment que tu te lèves le matin, il faut que tu sois bien dans ta peau. Jusqu'au moment où tu te couches le soir, il faut que tu sois bien dans ta peau. Quand tu es rendu capable d'être bien dans ta peau tout le temps pendant que tu es éveillé, là. Tu peux vivre longtemps sans terre avant de passer dans l'éthérique. Puis la vie matérielle te suit. Si tu as un cheminement, hein, disons que tu as quelque chose à concrétiser. Là, tu es enthousiasmé parce que ça va bien, ton affaire devient polarisé. Tu es content. Aussitôt que tu es enthousiasmé, tu es polarisé. L'enthousiasme, c'est totalement anti-conscient. Aussi que vous avez l'enthousiasme, vous allez recevoir une polarité tout à l'heure. J'aimerais ça que tu parles de l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est totalement astral. L'enthousiasme, c'est anti-homme. L'enthousiasme, c'est anti-conscience. L'enthousiasme, c'est anti-intelligence. C'est anti-volonté. T'as un projet, tu es enthousiasmé parce que ça a l'air à bien aller. Ouais, ben, ouais. Du coup, ça va mal dans le même. Tu fait que tu restes honnête dans ton projet. Tu peux pas être honnête. Tu peux pas rester honnête si t'es pas capable d'être honnête. Tu peux pas faire l'effort d'être honnête. C'est un état d'esprit, ça, être honnête. Je vais donner un exemple, ça va faire bien comprendre. Moi, quand j'ai besoin de quelque chose, là, j'ai besoin de quelque chose, disons, je sais que j'ai besoin de quelque chose. Bon, j'ai besoin de quelque chose, je sais que dans 2 mois, on va l'avoir, ça va prendre 2 mois. D'un coup, vient 2 mois, là, j'ai mon affaire. Quand je suis dans le mouvement d'aller chercher mon affaire, je suis totalement mental. Il n'y a aucun enthousiasme. C'est ça, c'est bien important. C'est l'absence d'enthousiasme qui te dit si ton affaire va bien aller. Aussitôt qu'il y a de l'enthousiasme, il faut que ça te passe. Mais si tu achètes une maison, là, puis tu rentres dedans, puis ça marche. Il n'y a pas d'enthousiasme, c'est un bon signe qu'elle va passer à la maison. Mais si tu as de l'enthousiasme, tu vas être sûr que le gars va dire dans le lendemain qu'il y a un problème, qu'il va avoir un problème. Comprenez-vous ce que je dis? Quand il y a. C'est drôle de cette manière. Quand ça passe, la vibration, là, quand c'est le temps qu'elle passe, la vibration, il n'y a pas d'enthousiasme, c'est totalement mental. Ouais, tu n'es bébé. Moi, quand j'ai acheté mon char, ma Mercedes, là, je l'ai acheté, ça avait pris 3 minutes. Le gars, il a fliqué la roue, là. Parce que c'était mon premier matin. Avant, je cherchais à le trouver, je cherchais, voilà, tu me donnes de l'énergie pour la trouver. Mais aussitôt que je suis arrivé, là, ça tombe la main. Là, t'es sur le mental. Encore une fois, ça fait pas. Parce que ça fit. Quand ça fit, il n'y a pas d'enthousiasme. Quand ça fit, pas. Parce que c'est ce que ça sert, l'enthousiasme. L'enthousiasme, ça sert pour le poignet. C'est un cadeau. La deuxième, c'est une vibration de cadeau. Ça, non. On n'a rien sans cadeau. On n'a rien sans payer. Fait que quand c'est un cadeau, pour rien, moi, je dis même les. Quand c'est une petite affaire de fun, là, tu n'as pas payé. C'est ça. Vous entrez. D'ailleurs, on devrait faire arriver à ne pas voir rien comme cadeau. À vibrer au neuf, point. Et neuf. Quand je parle de l'absence d'enthousiasme ou de l'absence d'effort, vous développez une attitude. Fait que si vous essayez de ne pas avoir d'enthousiasme, si vous essayez de ne pas faire d'effort, de l'attitude, c'est une force. Pas faire d'effort, faire d'enthousiasme, c'est un état d'esprit. Tu ne peux pas n'avoir d'enthousiasme. Tu vas au forum, tu n'es pas bête. Tout le monde boit la vieille, tout le monde claque, là. Ah, ouais. Toi, tu n'es pas bête parce que tu ne peux pas avoir d'enthousiasme. C'est ça, Paul. J'avais un exemple à donner pour montrer comment on comprend l'envers les gens. Est-ce que tu dis des fois, tu dis, puis moi aussi j'ai dit, là, il faut en arriver à être. Fait que là, nous autres, quand il y a un il faut que, je travaille pour. OK? Ça fait assez penser à récemment à du monde qui disent, là, bon, on va créer un club, là, ou des rencontres, là, puis on va se faire du fun. Et bien là, moi, j'ai des clients qui me disent, moi, là, je viens te voir parce que moi, j'aimerais ça avoir du fun dans la vie. Bon. Moi, là, ça me fait mourir parce que avoir du fun, tu peux pas organiser du fun. Tu peux faire un party. Tu peux mettre en place tout ce qu'il faut. La musique, bon lunch, ça sent bon. Mais tu peux pas organiser le fun. Non, le fun, faut le fun il va venir seul. C'est un résultat de. Exactement. Bon. Puis on sait comment est-ce qu'on va avoir du fun dans des, je sais pas moi, dans des... Tu fais des parties, hein, tu sais quand des gens vont partir, là, ils veulent avoir du fun, puis aller au party, puis c'est clair. C'est clair. Souvent, ils pensent même pas, ils vont au party, puis là, ils ont bien du fun. C'est la même chose. Alors, le fun, c'est un résultat, right. Ça s'organise pas. Mm-hmm. Bon. Mais quand il faut avoir la volonté, ça s'organise pas, faut pas travailler pour ça. Alors, l'ego, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut toujours travailler pour avoir quelque chose. Mais tant qu'on veut travailler pour avoir quelque chose, on l'a jamais. Parce qu'il faut que ça arrive, parce que ça fit, c'est tout. C'est ça. Ça arrive pas par un cadeau, ni parce qu'on a travaillé, c'est pas du mérite non plus. C'est ça. Exactement. Parce que je trouvais, en tout cas, moi je trouvais que des fois, je travaille bien fort, puis je me dis, tabarnak, là je le méritais cette affaire-là, puis je l'ai pas. Ben, dans ce temps-là, je me dis, t'as donc ben, t'as juste pas été intelligente. Tu savais qu'à peine de travailler moins fort, puis t'as organisé pour l'avoir. Parce qu'on a toujours cette petite affaire spirituelle-là de récompense du bon Dieu qui nous tient en tabarnak. C'est ça. Une gratitude du bon Dieu. Tout le temps, on dit, là je le mérite que je devrais l'avoir, j'ai assez fait d'efforts. C'est pas en payant pour, c'est du dû. Puis quand on comprendra c'est du dû comme des princes, on cueillera ce qui nous est dû, point. Ouais. Je me dis des pommes puis des oranges, là. Quand c'est le temps des pommes, faut que je mange des pommes, puis que je les calme dans le temps des pommes. Mais si par abnégation, de quelque sorte, ou par bonne intention d'en laisser aux autres des pommes, je ne vais pas les cueillir. Bon, ben quand ça va être rendu au temps des fraises, là, le temps des pommes, il est passé, ça fait le mot de petite mèche. Je n'ai pas d'affaire à broyer parce que les pommes n'étaient pas là. C'est à moi de cueillir quand c'est le temps. Quand c'est le temps des fraises comme à ça, il faut que je les ramasse, je vais les reconstruire. Puis si je ne les ramasse pas, puis si je ne les mange pas à ça, c'est bien valable en disant le temps des pommes, it's just too late, malgré toutes les bonnes intentions que j'avais de laisser aux autres qui puissent m'en donner une boîte. Parce que nous autres, on marchande. Des temps de nos égaux qu'on a changé. On veut mériter des affaires. Ouais, ouais. Après ça, on pense c'est me, myself, and I. Ça, c'est pas de l'égocentrisme. Me, myself, and I. Quand j'ai compris ça, c'est pas de l'égocentrisme. C'est de l'intelligence. C'est s'administrer soi-même. Parce que quand on aime quelqu'un. On a le droit à tous les aspects de la vie. C'est l'énergie. Et ce qui nous empêche d'avoir le droit à tous les aspects de la vie, c'est nos maudites émotions. Plus les cinq. Je trouve ça assez clairement comme quand tu parles d'amour, là, je suis assez contente là, parce que l'amour, là, ça nous donne assez de droit de faire manger de la merde aux autres, là, puis aux autres de nous brûler une merde, là, c'est pas possible. puis se fouiller dans les tripes des autres, puis dans les poches des autres, on a ça. Comme ça, par amour. Faut juste voir comment ça marche les divorces, comment ça dissocie les couples, ça fait savoir que la question d'amour qu'on parle, c'est de la merde. Il n'y a pas d'aide qui fait plus méchant que vous avez un autre aide quand tu l'as déjà aidé. Ah, moi, c'est pour ça que j'ai déjà dit que l'homme ne peut pas aimer sur le plan matériel. C'est pour ça que je dis tout le temps, l'homme a besoin de deux choses, de l'intelligence, de la volonté, et en arrière-plan, il a l'amour. Mais l'homme ne vivra jamais l'amour sur le plan matériel. Ça, c'est le, peut-être des paroles les plus occultes que j'ai jamais dites. L'homme ne vivra jamais l'amour sur le plan matériel. Parce que l'amour, l'amour, c'est vrai, qu'est-ce que c'est l'amour? C'est pas matériel, ça, vraiment. L'amour, c'est le pouvoir de l'ego de se servir de l'énergie de l'âme. C'est ça. Le pouvoir de l'ego de se servir à volonté de l'énergie de l'âme. Puis l'ego, il est loin d'être prêt à se servir de l'énergie de l'âme. De l'âme. Ah, c'est ça, de l'amour. Ce qu'on appelle de l'amour, là, c'est l'amour. Il y en a un amour. Ce que les gens appellent de l'amour, c'est pas de l'amour, c'est du sentiment d'amour. Moi, j'allais voir. Whatever. Mais l'amour, là, moi, j'ai une femme. Je suis totalement uni à ma femme et je ne suis pas en amour avec ma femme. Je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais, puis elle ne l'a pas non plus. Mais on est unis tous les deux, ça. Et dans les terres, tous les deux, on vivra l'amour. Mais sur le plan matériel, on ne peut pas vivre l'amour, on mourra. L'amour. On souffrirait d'amour. Tu ne peux pas vivre l'amour, tu souffres d'amour. La seule façon que tu peux vivre l'amour, c'est dans les terres. Sur le plan matériel, tu peux vivre l'intelligence et la volonté. L'amour, c'est de la souffrance. L'amour engendre la souffrance sur la terre. Parce que l'amour sur la terre est polarisé. Tandis que dans la télé, il n'est pas polarisé. La seule chose sur la terre qui veut ne pas être polarisé parce que c'est mental, c'est l'intelligence et la volonté. Mais l'amour, surtout que tu descends au niveau du plexus solaire, tu tombes au niveau des lois planétaires, de la conscience animale, tu ne peux pas aimer. Fait qu'automatiquement, pour permettre les liens entre les hommes, pour permettre l'évolution de l'utilisation, pour permettre des structures sociales, on fait l'expérience un petit peu de la vibration de l'âme qu'on appelle nous autres de l'amour. C'est pas l'amour, c'est du sentiment d'amour. De l'amour sur la planète Terre, ça crée une anarchie. L'amour sur la planète Terre, ça peut créer tout. Ça peut créer une anarchie, les conflits, la destruction. Mais c'est l'anarchie, ça. Il n'y a pas d'amour sur la Terre, il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est occulte. Puis la raison pour laquelle les maîtres ont toujours parlé d'amour, puis d'amour, puis d'amour spirituel, c'est parce que c'était de l'amour spirituel. C'était la relation vibratoire entre l'ego et l'âme. Mais aussitôt que tu passes ça à l'extérieur, à un homme ou à une femme, à un être, t'es vampirisé. T'es vampirisé. Parce que l'ego est naturellement vampirique. Ça serait possible dans une société encore, dans le futur, sur la Terre, quand c'est pas encore que c'est physique, là, ça cause des hommes encore. C'est-à-dire que dans un futur, il doit y avoir probablement, c'est possible de vivre l'amour sur la Terre aussi. Quand on sera conscient. C'est ça. Quand des hommes conscients ensemble pourraient vivre l'amour même sur la Terre, quoi. Ouais. Quand tu dis sur la Terre, ça veut dire en relation avec l'éthique, pareil. Tu peux être sur la Terre et dans l'éthique aussi. Dans un corps physique? Ah ouais, je veux pas rentrer dedans, parce que je sais que ça t'intéresse bien, gros. Un autre exemple qui me vient, juste pour illustrer ça. Tu sais, quand par exemple, tu t'es engagé, mettons que tu t'envoies un boss, le boss, il t'engagera pas pour tes beaux yeux, il va t'engager pour ta compétence. Tu comment est-ce qu'il y a du monde qui attend que le patron leur dise qu'ils sont bons au travail? Tu sais, ils vont même baisser le salaire de sa barouette pour se faire dire qu'ils sont bons au travail. Ils vont se contenter des conditions de travail inférieures d'avoir qu'il y a une claque dans le dos le vendredi pour leur dire qu'ils sont bons. Faut pas être ticu pour accepter ça. Je trouve que c'est de la prostitution, l'amour. C'était que... D'ailleurs, l'homme, vous autres, vous allez peut-être probablement être les premiers hommes à comprendre le caractère occulte de l'amour. Parce que vous allez être les premiers à vivre en dehors de l'amour. Les premiers à vivre en dehors de l'amour. L'humanité vit à l'intérieur de l'amour. Puis en vivant en dehors de l'amour, qu'est-ce qui arrive? Tu deviens intelligent. Tu ne peux pas être intelligent par l'amour sans faire un temps. Soit tu es intelligent, ou tu vis au niveau du sentiment d'amour. Si tu vis au niveau du sentiment d'amour, tu vis au départ de ton intelligence. Tu tues le sentiment d'amour, tu rentres dans l'intelligence. Parce que l'intelligence supramentale, regarde, c'est bien simple. L'intelligence supramentale, elle est, le corps supramental supérieur, il est construit de quoi? Il est construit du corps astral. Fait que tout ce qui est ici, il faut que ce soit dans le site. Fait que c'est évident que tu peux pas avoir d'amour sans terre. Tu peux pas vivre l'amour quand t'es conscient. Sans ça, tout ça. Alors, la seule manifestation de l'amour sur la planète, alors, je vais revenir à ce que je disais tantôt, c'est la manifestation de son intelligence qui fait qu'on a du respect de soi-même et du respect de l'autre, point. Exactement. C'est le type de relation. Exactement. Qui fait que les hommes, ils respectent. Tu peux pas servir d'eux-mêmes. Non. Être fidèle à toi et fidèle aux autres. Non. Tu peux pas faire ça. Tu sais, il y a celui qui, la femme qui dit, moi, j'ai pas le goût d'une relation sexuelle, pis ça me tente pas. Puis l'homme, il dit, par amour pour moi, t'as une relation sexuelle. Mm-hmm. T'es écœurant, tu vois. C'est vrai. Regarde juste ça. Ou ben non, la même chose, par exemple, je vais aider un enfant, je l'aime, j'y achète un vésicule qui a le même pas de goût, qui a le même pas envie, qui est même prêt à monter dessus. Je retarde son évolution en le gâtant, parce que gâter un enfant, c'est donner des enfants qui n'ont même pas de besoin, pis mm-hmm. qui n'ont même pas rendu à l'âge pour s'en servir seulement. C'est ça. Puis on lui donne ça par amour. C'est ça. C'est du gaspillage d'énergie, c'est pas dans le monde. C'est du gaspillage d'énergie. Mais on est tellement astral. D'abord, notre problème, c'est qu'on a grandi par en bas. On a grandi par en bas, on a grandi par en haut. Fait que les expériences qui nous donnent le plus de plaisir par en bas, qui est l'amour, qu'on connaît, on s'imagine que c'est le top. Puis on cherche le maximum de ça, puis on réalise pas que le maximum de ça n'existe pas sur le plan matériel. C'est l'absence de ça qui existe. D'ailleurs, c'est la même chose au niveau de la spiritualité. Moi, je suis le premier homme à faire connaître à l'homme que l'homme rentre dans la conscience cosmique en détruisant la spiritualité. Je suis le premier homme, il n'y a pas un maître qui parle de maître. On est obligé d'apprendre par en haut et non par en bas, mais on a toujours appris par en bas. Fait que là, on est rendu au point de rencontre du bas et du haut, fait que c'est la face à faire éclatement. C'est ça qui rentre les gens, c'est ça qui rend les gens conscients de la vibration. Ça fait un éclatement automatique. C'est pour ça que je peux pas écrire ce que je dis. Imagine-toi si on parlerait de l'amour, des livres, comme on fait de l'amour. Les gens comprendraient tout mal ce qu'on veut dire. Ils détruisent la famille, ils détruisent ici, ils détruisent la société. Jung, il avait pu toucher à ça, fait allusion à ça, qu'il fallait justement accepter la destruction des formes spirituelles. En tout cas, lui, il avait des visions, là, puis ses visions, c'était toutes des brisures de des églises ou des affaires comme ça, tu sais, toutes des formes spirituelles, là. Puis mettre l'âge dedans, là, soit que ça soit craché sur des statues, n'importe quoi, tu sais, il avait des visions, puis ça libérait ces visions-là. Dans ces visions-là, il avait même hésité au début, tu sais, à chaque fois qu'il allait avoir une brisure de la forme, là, tu sais, comme craché sur une belle statue, une affaire comme ça, là, il arrêtait sa vision, tu sais. À un moment donné, il n'en pouvait plus, ça fait qu'il a continué, puis là, il se sentait libéré. Chaque fois qu'il y avait des formes comme ça qui étaient brisées, il était... Voilà. C'est un des grands psychologues, là. C'est tout ça, moi, que je viens fâcher. Des fois, les gens disent « Pourquoi tu parles si fort? » Parce que tu viens que tu peux plus laisser une chance au monde de penser. Parce que s'ils pensent, c'est final. Ils comprendront pas ce que tu veux dire. Fait qu'il faut que t'es bombardé vibratoirement. Puis après ça, t'es laissé à eux autres. Puis là, après ça, bon, leur propre conscience grandit. Nous autres, on essaye de bien faire avant de savoir faire. Vous voulez connaître le résultat. Donc, automatiquement, vous diminuez le pouvoir de votre intelligence sur l'autre intelligence. C'est une forme de doute. C'est subtil. C'est clair, parce que par contre, c'est le désir de perfection qu'on a inconsciemment. Ouais, parce que le désir de perfection vient du fait que vous ne voulez pas vous tromper. Bien sûr. C'est qu'on sent vibratoirement qu'on pourrait bien devenir parfait. Oui, parce qu'on l'est parfait, oui. On l'est, mais comment ça nous arrive, ça? C'est comme une petite aiguille dans le fond, ben, ouais. Tu vois, de soucis, tu pourrais bien être parfait. Ouais. Et ça, tu penses que tu vas réaliser sur le plan matériel, tu vas là-dessus, parce que sur le plan matériel, tu vas parfait. Ouais. C'est bien subtil, l'affaire de la perfection, tu sais. Ça, c'est une maudite vision. Qu'est-ce que c'est la perfection? La perfection, c'est l'habilité de l'homme de rencontrer son homologue universel dans une perfection parfaite de l'harmonie vibratoire entre lui et l'autre. La perfection, c'est la capacité à l'ego d'absorber toute l'énergie qui est en lui et de jamais vibrer émotivement. C'est ça. Fait, il pense quelque chose, c'est ça. Il pense quelque chose, c'est ça. C'est comme lui, il est là, puis il décharge ça, toi tu le prends, puis c'est le mot. C'est ça la perfection. Il n'y a pas de distorsion dans le temps. Il n'y a aucune distorsion dans le temps. Il n'y a aucune émotivité. Fait, l'ego, il faut qu'il y ait des épaules assez fortes pour prendre tout ce qui descend en haut. C'est ça la perfection. Mais nous autres, on ne veut pas ça même, la perfection. Nous autres, la perfection, on veut ça comme une qualité. La perfection, c'est pas une qualité. C'est le pouvoir mental de l'ego. La perfection, c'est le pouvoir mental de l'ego. Plus le pouvoir mental de l'ego est grand, plus l'ego est parfait dans ce sens que plus il peut prendre l'énergie par le mental, certes, l'énergie par le mental, puis l'émotionnel, ça, il est toujours barré. Fait qu'il ne fait jamais de différence avec ce qui se passe ici. Fait que si lui, en haut, il me dit telle chose, qui démolit toute une tradition de 10 000 ans, moi, il faut que je sois capable de le prendre et de le passer. C'est ça la perfection. C'est pas une qualité. C'est une résonance parfaite. C'est de la fitness. Qu'est-ce que ça me fout? Moi, je dis que c'est fait de même au lieu de même. Je m'en sers. Je canalise. C'est ça la perfection. Mais nous autres, on a peur de faire des erreurs. On se questionne. On dit, oh, maudit, c'est vrai ce que j'ai dit. On va aller au bout. Je suis seul à penser de même. Aussitôt que tu es seul à penser de même, là, c'est que tu commences à toucher à l'intelligent. Aussitôt que tu es seul à penser de même, tu commences à être individualisé. Mais les gens, là, aussi, pensent de même seul, mais ils s'en vont plus. Ils veulent pas être seul. Fait que ça va voir le gars, puis il leur explique au gars comment ils pensent. Le gars est tout malade. Fait que c'est arrivé. Mais aussitôt qu'on pense de même, qu'on est seul à penser de même, t'es sûr et garanti que c'est de même que ça marche. Fait que là, si tu vas voir un autre gars qui vit le même phénomène, là, tu sais, t'as bien raison, là, ça t'encourage. Là, t'envoies un autre, ça t'encourage. Là, tu t'aperçois que t'es pas capoté. Que c'est tout le monde qui est capoté, mais pas toi. Parce que quand t'es seul, tu dis que t'es pas capoté, tout le monde est capoté, tu fais les épaules là. Moi, je l'ai vécu, ça. J'ai vécu. Moi, en 69, je te jure que j'en venais pas là. Je vais avoir des yeux ou des assiettes. Je suis obligé de checker ça. C'est là qu'il me disait, essaye de penser, je te prends mal. Elle tire d'un P1, je te prends mal. Oui, bien que c'était pas moi. Là. Ça me renforçait un petit peu. Ça me donnait un petit peu de courage. Mais ça a pris 10 ans pour façonner mes corps, pour que je puisse me laisser passer l'affaire. Puis mêler de mes affaires quand je parle. C'est une question de caractère. C'est une question de vibration. C'est une question de caractère, une question de tempérament. Ça va tout ensemble, l'affaire, c'est évident. Mais c'est une question. C'est une question de vibration. C'est une question de tes corps, d'être capable, de ton ego, d'être capable de prendre tout ce qu'ils peuvent te donner, puis ils peuvent t'en donner, ils sont infinis. Puis ton ego, lui, qui est limité. Fait que tu comprends que pour que ton ego devienne illimité, il faut que tu t'ouvres complètement les autres. C'est égocentrique, t'es constamment polarisé, tu vas souffrir pour juste un autre. C'est évident parce que tu vas tout te comparer. Si tu t'ajustes facilement à la neutralité, à la tristesse. Tu compares de moins en moins. Mais tu peux pas faire d'effort. Tu t'ajustes. Pourquoi tu fais d'effort? Tu conscientises en disant, non, neutre, toujours centrique. Quand tu dis que tu te monnes, tu penses que tu te monnes parce que les conditions te permettent de penser que tu te monnes. Mais quand la condition vient, qui est en dehors de ton contrôle, sais-tu quand est-ce que tu grandis? Quand c'est en dehors de ton contrôle, là tu te mets, là t'es neutre. Quand t'es capable d'être neutre, que la condition est en dehors de ton contrôle, là je dis ça pour l'autre, comment ça va être une moustache là? C'est quand la condition est en dehors de ton contrôle. Tu sais, ta femme a un accident et moi. Là, si t'es neutre, là, tu l'ouvres. Mais si c'est à l'intérieur de ton contrôle, tu te conditionnes psychologiquement. C'est pas de la neutralité. Si je suis avec ta femme, là, le cérémonie de le faire, tu t'entends immédiatement. Ouais. Et les deux, on se met au centre. Sais-tu, moi, ça me fait penser à quelque chose, ça, quand tu l'entends parler. C'est moi, non? Oui, parce que ta compréhension, ta compréhension te permet de voir le jeu. de comprendre les objectifs. C'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, oui. À ce niveau-là, oui. Ouais, mais faut faire attention, ce sera des compromis, ça. Non, non, on va parler de compromis. Quand on fait des compromis avec les autres personnes, là, si mon œuvre, les autres personnes, je comprends. Tu fais pas, tu gagnes rien. Ouais, mais c'est pas ça qu'il veut dire. Lui, il veut dire se mettre au neutre devant lui-même, puis voir sa femme objectivement, comme sa femme le voit objectivement. Fait que de sorte que les deux personnalités se font pas prendre dans le jeu de l'énergie. Ça, c'est la conscientisation. Ça, c'est bon. Ça, ça peut t'emmener, comme le fait que tu viens de citer, ta femme meurt instantanément. Tu peux être plus facilement, tu vas être capable plus facilement comme ton œuvre. À la langue. À la langue, oui. À la langue, tu mets au neutre devant n'importe quoi. N'importe quoi. T'es-tu plaît pas, t'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. T'es neuf. Ça, c'est bien important. Moi, c'est ça que je fais avec vous autres. Vous me parlez, des fois, c'est tout croche, mais je sais ce que je voulais dire. Je dis, ouais, c'est ça. Mais s'il y a quelqu'un à côté, je vais pas dire, c'est ça. Là, je vais trouver dessus l'impression parce que lui, il va penser. Il va capter mal. Je l'ai fait avec elle, la soirée, une à la table. Elle, puis, lui. Elle a dit, elle, parce que lui, il était à la porte la soirée quand il est rentré. Fait qu'elle a dit, c'est ta maison. Puis lui, il dit, c'est une belle... Lui, il a mal compris. Lui, il dit, c'est une belle maison. Fait que c'est ta groche, l'affaire. Mais elle a rien dit. Fait que moi, pour tuer la mauvaise... la fausse impression qu'elle avait dans son esprit, j'ai dit à lui, qu'est-ce que tu restes? Fait qu'elle a raccroché. Hein? Fait qu'elle a compris que c'était pas lui à la maison, puis lui, il a pu trouver des expliquer. Tu travailles tout le temps. Parce que pour moi, c'est une souffrance si elle a la mauvaise impression. Parce que ce qui arrive, ça arrive pour expliquer théoriquement. Elle a fait avoir. Écoute bien ça, c'est comme elle. Elle a dit si tu restes ici, l'autre dit c'est une belle maison. Hein? Tu comprends que dans sa tête, c'est croche qui vient de rentrer. Mais ça, c'est ça... belle ta maison. Ouais. Oui, c'est une belle maison. Belle maison. Donc, ça nous dépend que c'est pas notre propriétaire. Ouais. Ouais. Et moi, il y a le salaire. Je pouvais pas rester dans une vibration là, ça me crée une tension. Fait qu'il dit, c'est bien important de savoir ce que l'autre veut dire. Si c'est ça qu'il veut dire, puis il l'explique mal, mais à ce moment-là, ça n'a pas d'importance qu'il l'explique mal. Mais dis-moi que tu sais ce qu'il veut dire. À ce moment-là, tu veux. C'est quand tu veux, quand tu veux, dans ton cas, je comprends, mais il faut pas rendre. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu arrives à un événement, puis tu te dis, au lieu de quand avant, c'était, on se la faute, à ce temps, tu te dis, c'était ça. Fait que déjà, tu as l'impression que ça se tape. C'est pas le remords qui va avec telle affaire. Ouais, mais ça, c'est qu'un mécanisme. Quoi? C'est pas l'affaire de ce. L'affaire aussi. L'affaire de ce autre, là. Va dire une chose. Moi, je vous amène à comprendre les mystères de l'esprit par étapes. Okay? Comme je connais tout à l'heure des impressions, mais je vous crée des impressions. Comme là, je vous ai dit depuis qu'on se connaît avec ce autre. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait? C'est pour vous rendre conscience de l'autre intelligence. Ça rend ma vie plus facile à faire. Ça vous dégage. Au niveau de toute votre moralité, votre sport. Mais éventuellement, quand tu es bien ajusté dans ta vibration, quand tu as de la volonté de l'intelligence, tu ne le prends plus, ces autres. Tu le prends au début, mais à un certain moment, tu le prends plus. Tu décides, c'est toi qui rentres ta vie. C'est toi qui rentres ta vie, en maudit. Ça, c'est l'autre étape. Ouais. Fait que c'est ça qui arrive, parce que je suis obligé de vous dire, c'est ça. D'ailleurs, c'est vrai, il y a eux autres. C'est vrai. Moi, je compte jamais de mentir. Je me sers du mensonge. Non, pas ce que je dis. Je compte jamais de mentir. C'est toujours vrai ce que je dis, dans le sens que ça s'explique. Mais je me sers du mensonge, dans ce sens que je me sers de certaines formes pour vous amener à d'autres étapes de compréhension que vous ne pourriez pas faire quand on se rencontre des séminaires. Je lui dis, les gars, les autres, OK. Fait que ça, ça vous amène à une dualité, ça vous amène à vous décortiquer, déconditionner motivement, prendre votre culpabilité, toute votre niaiserie. Parce que c'est ça. Fait que tout ce que tu fais, c'est correct. Tout le monde est responsable. Fait que tout ça, ça donne un breeder pendant un certain temps. Mais après ça, quand tu as souffert des autres, parce que la vie continue, c'est pas parce que vous devenez conscient des autres que vous souffrez plus qu'avant. Avant, vous souffriez autant que là. Seulement que votre sensibilité maintenant, du fait au fait que vous savez que c'est eux autres qui vous met dans les roues, là, votre sensibilité a grandi, vous devenez maudit. Quand tu es seul, tu cognes un doigt. Quand tu es seul, tu sens qu'après toi. D'un coup, quand tu commences à savoir que c'est eux autres, là, tu sens qu'en combien plus fort qu'avant. Bien. Après l'autre. Et après ça, quand tu n'as plein de cul de te cogner les doigts, c'est que tu fais, tu te mets des gants. Tu mets des gants. Tu deviens intelligent, tu te mets des gants. Tu prends plus de chance. Tu prends plus de chance. Là, vous êtes encore au stade de prendre des chances. Parce que c'est plus vous souffrez d'eux autres, c'est important d'affaire d'eux autres. La conscience d'eux autres, c'est correct. Mais éventuellement, il faut que tu en arrives à te servir de ton intelligence. Fait qu'à ce moment-là, tu sors de ton intelligence tout le temps, tu prends pas de chance, tu t'arrives à rien. C'est fun parce qu'au début, tout le monde, je pense, a eu l'impression de perdre son libre arbitre. Disait, ben, c'est eux autres, moi, je décide de rien, là, plus tu perds, plus on se rend compte que c'est moi qui décide. Ouais, c'est moi qui intelligemment. Ouais, c'est vous étiez obligé de réaliser ça, parce qu'effectivement, là, avec plusieurs plans, il y a des forces qui cherchent à dominer l'ego, la force de l'âme. Par exemple. Mais éventuellement, il faut qu'il y ait un équilibre dans ces deux forces-là. Là, à ce moment-là, l'ego devient centré. Là, tu run your own show, puis ce qui est en haut est en haut. Là, tu te sers de la volonté, puis tu te sers de l'intelligence, puis tu fonctionnes. Fait que tu décides de faire quelque chose, tu prends tes moyens que ça, puis tu sais, je vais arriver là, ou je vais arriver là. Mais si t'es sûr, là, je suis sûr, je vais arriver à tel point, parce que tu le veux vraiment, puis c'est toi. Ah, c'est pas parce que tu le veux, c'est parce que tu le sais. Il y a une différence entre vouloir quelque chose et savoir quelque chose. Quand tu veux quelque chose, ça peut être retardé, mais si tu le sais, c'est final. Mais tu ne peux pas le savoir tant que tu ne sais pas. Vouloir quelque chose, tu peux même vouloir quelque chose. La loi de l'effet, c'est que quand tu es capable d'utiliser un instrument, tu sais, par exemple, moi, je sais pas, moi, je décide de trancher du pain avec une chaîne, ça, là. Comment que je voudrais, puis que j'ai la bonne intention, puis que ça coupe, là, c'est pas approprié. Faut utiliser, savoir, c'est connaître ce qui est approprié. Ouais. Ça vient d'où aller déjà? C'est vraiment la volonté, comme ça, c'est pas du vouloir, c'est de la mise en action. La volonté, ça vient d'affaire de vouloir. C'est la détermination. Absolument. C'est pas la détermination. La détermination, c'est la volonté subjective. C'est là qu'on a désigné. La volonté, c'est l'action. C'est l'action de la volonté. C'est l'action pure, la volonté. L'action consciente. C'est lié avec l'intelligence, la volonté. Ça va toujours ensemble, la volonté. La détermination, c'est l'attitude psychologique de l'ego de vouloir faire quelque chose. La volonté subjective, la détermination. Il n'y a rien, il n'y a pas de savoir dans la détermination. Des fois, tu peux bien déterminer, tu vas trouver une compagnie, mais ça ne marchera pas. Oh, ouais, c'est ça. Mais si tu sais, ça marche. Il y a une étape où tu dis j'ai un projet, après ça, OK, ça n'est plus un projet, ça va se réaliser. Fait que déjà, tu t'en vas dans je sais, telle chose. C'est ça. Tu as toujours le petit hic. Ah, c'est parce que tu ne sais pas. C'est parce que tu ne sais pas. C'est ça, mais c'est toujours avec à moitié eux autres, à moitié moi. Exactement. Les codes sont de son temps. C'est pour ça que dans l'initiation, dans le dessin de cette énergie qui arrive à un certain moment, vous êtes plus entre votre volonté et leur volonté. Whoop, vous êtes pas capable. Une minute, tu décides quelque chose, puis l'autre minute, ça change. Puis l'autre minute, ça change. Puis l'autre minute, ça change encore. Alors, vous connaissez ça. T'es pas capable de prendre une maudite décision. Deux minutes, ça marche. Whoop, l'autre minute, ça marche plus. Ça, c'est parce que le corps mental n'est pas suffisamment développé. Quand le corps le mental est suffisamment développé, c'est ça, puis c'est final. Puis laisse-moi dire que c'est tough. Parce qu'ils te permettent pas de te servir de ton corps mental tant que tu n'es pas capable de t'en servir, parce que te permet de te servir de ton corps mental, de ton centre de décision personnelle implique ta volonté de l'être. Il faut être patient. Ben, c'est ça qui vous amène à ça. Mais la patience t'amène à écœurer éventuellement de la patience. C'est important la patience, j'en parle la patience. Je disais éventuellement, vous allez souffrir de la patience. Ouais. Parce que c'est long, c'est long. Éventuellement, tu n'as plus le cul de la patience, tu vas être en action. Oh, mais c'est un projet en fait. Ouais. C'est bien déterminé. Ouais. C'est terminé, c'est encore niveau de l'eau. Il peut marcher avec le bébé. Il peut marcher avec le bébé. C'est bon, mais j'ai une injection qui t'équipe, t'aurais tout ton équipement voulu. C'est parce que tu sais que ça va aller. Un projet avait été projeté. Déjà, tu sais pas. Ou si tu projettes, tu sais pas. Il peut marcher, ton projet. Mais si tu t'équipes en fonction de ton projet. Ça dépend de ton expérience. Peut-être que tu vas servir ton projet pour casser tout. Tu manques, ça coule. Ça va couler parce qu'il faut que tu mettes en marche. Ah, tu m'en marches. Hein? Ça ne fonctionne pas. C'est ça. Puis éventuellement. Tu vas faire un petit bout de temps dans l'eau. C'est ça que j'ai te dit. C'est ça que j'ai t'expliqué. Il va se servir de ton projet pour t'amener une autre expérience. Tu vas comprendre qu'il n'y a rien projeté. Est-ce que quand tu rentres dans l'affaire, quand tu sais, ça ne peut pas marcher. Ben ok, disons, on va enlever le mot projet. Hein? On perd l'affaire, hein? Tu sais que ça va bien marcher. Mais tu t'équipes en fonction. Tu sais pas que ça va bien marcher, tant que ça va bien marcher. Tu sais que ça va bien marcher. Parce que tu t'équipes en fonction, tu achètes ton matériel. Non, c'est pas parce que tu t'équipes en fonction que ça va bien marcher. Tu sais que ça va marcher. Il y a bien des gars qui partent des compagnies 50 000 piastres, ça va aller au deuxième après.